Les migrants de Lander Road, de Alcool, de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org, André Billy. Le chapeau à la main, il entra du pied droit chez un tailleur très chic et fournisseur du roi. Ce commerçant venait de couper quelques têtes de mannequins vêtus comme il faut qu'on se vête. La foule, en tous les sens, remuait en mêlant des ombres sans amour qui se traînaient par terre et des mains vers le ciel plein de lacs de lumière s'envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs. Mon bateau partira demain pour l'Amérique et je ne reviendrai jamais. Avec l'argent gagné dans les prairies lyriques, guider mon ombre aveugle en ces rues que j'aimais. Car revenir c'est bon pour un soldat des Indes. Les boursiers ont vendu tous mes crachats d'or fin. Mais habillé de neuf, je veux dormir enfin sous des arbres pleins d'oiseaux muets et de singes. Les mannequins pour lui, s'étant déshabillés, bâtirent leurs habits, puis les lui essayèrent. Les vêtements d'un lord mort sans avoir payé, au rabais, l'habilla comme un millionnaire. Au dehors, les années, regardez la vitrine, les mannequins victimes, et passés enchaînés. Intercalés dans l'an, c'étaient les journées veuves, les vendredis sanglants et lents d'enterrement, de blanc et de tout noir, vaincus des cieux qui pleuvent, quand la femme du diable a battu son amant. Puis dans un port d'automne, aux feuilles indécises, quand les mains de la foule y feuillelaient aussi, sur le pont du vaisseau il posa sa valise et s'assit. Les vents de l'océan, en soufflant leurs menaces, laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés, des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses, et d'autres, en pleurant, s'étaient agenouillés. Il regarda longtemps les rives qui moururent. Seuls des bateaux d'enfants tremblaient à l'horizon. Un tout petit bouquet, flottant à l'aventure, couvrit l'océan d'une immense floraison. Il aurait voulu ce bouquet, comme la gloire jouée dans d'autres mers parmi tous les dauphins, et l'on tissait dans sa mémoire une tapisserie sans fin qui figurait son histoire. Mais pour noyer, changer un pouls, cette tisseuse têtue qui sans cesse interroge, il se maria comme un doge, au cri d'une sirène moderne sans époux. Gonfle-toi vers la nuit, ô mer, les yeux des squales jusqu'à l'aube ont guetté de loin avidément des cadavres de jour rongés par les étoiles, parmi le bruit des flots et les derniers serments. Fin du poème, enregistré par Simona Rousseau. Cet enregistrement fait partie du domaine public.